السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن ذلكم النعم أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان، نعمة قد حرم منها الكثير. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر للعمل بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، ويقينا من الفتن ما ظاهر منها وما بطن. Nous remercions notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits innombrables qu'il nous a accordés et qu'il ne cesse de nous accorder subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux-là, le bienfait immense de pouvoir atteindre cet immense mois de Ramadan, un bienfait dont beaucoup de gens ont été privés. Tout comme nous le demandons subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense, de nous accorder la réussite, de nous accorder son assistance subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan, dans l'accomplissement de ce qu'il aime subhanahu wa ta'ala et ce qu'il agrée comme acte. Et qu'il nous accorde subhanahu wa ta'ala à chacun une bonne fin, et qu'il nous préserve subhanahu wa ta'ala des épreuves et tentations apparentes et cachées. Cela étant dit, le sujet choisi pour nos cours de Ramadan est, comme chacun a pu le voir, une continuité de l'épître du grand savant, l'érudit Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, intitulé « Les profits découlant de la taqwa, de la piété ». Un livre dans lequel l'auteur rahimahullah nous cite certains parmi les immenses et innombrables profits découlant de la taqwa, de la piété, selon leur ordre de citation dans le noble Coran. Nous avions débuté donc par les profits cités dans Surat al-Baqarah, pour en arriver à la faïda, au profit numéro 41, cité dans Surat al-A'raf. Mais avant de continuer, nous revenons brièvement sur la définition donnée par les gens de science, Hafidhahumullah wa rahimallahu al-amwata minhum, quant à la définition de la taqwa, de la piété. Le mot taqwa, la piété, qui en langue arabe est tiré du verbe waqa yaqi wiqayatan, qui veut dire protéger. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, wa ja'ala lakum sarabila taqiyakum al-har wa sarabila taqiyakum ba'sakum. Sourate An-Nahl, verset numéro 81. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, et il a fait pour vous des vêtements qui vous protègent de la chaleur et des vêtements qui vous protègent de votre propre violence. Donc, taqiyakum al-har, qui vous protège de la chaleur, wa taqiyakum ba'sakum, qui vous protège de votre propre violence. Donc, waqa yaqi, qui veut dire protéger. Donc, ce qui nous permet de comprendre le sens de la taqwa du point de vue religieux, qui est le fait que le serviteur place une protection ou bien qu'il se protège du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqayaqi, qui veut dire protéger. At-taqwa, que le serviteur se protège ou bien qu'il place entre lui et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une protection. Cela, par l'accomplissement de ses ordres subhanahu wa ta'ala et le délaissement de tous ses interdits. Et comme nous l'avions cité, cela ne peut se faire qu'après la science, ba'd al-'ilm. Car comme il a été dit, kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comment peut se protéger celui qui ne sait pas de quoi il se protège? Comment peut se protéger celui qui ne sait pas, celui qui ne sait pas de quoi il se protège? Donc, la science. C'est pour cela que Talq ibn Habib, rahimahullah, a cité, lorsqu'il fut questionné au sujet de la taqwa, il a dit, rahimahullah, At-taqwa, an ta'mala bi ta'atillahi ala nourin min Allah, tarju thawab Allah. Wa tatruka ma'siyat Allahi ala nourin min Allahi, takhafu azaabah, ou takhafu iqaabah. Il nous dit, rahimahullah, la taqwa, la piété, est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, en te basant sur une lumière émanant de lui. Donc cette lumière ici est la science. En espérant sa récompense. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière émanant de lui par peur de son châtiment. Donc cette définition donnée par Talq ibn Habib, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, nous arrête sur deux points concernant la taqwa. Qui sont premièrement l'importance de la science. Cela dans sa parole, ala nourim min Allah, en te basant sur une lumière émanant d'Allah, qui est la science. Donc, la science, cela afin que la personne sache ce qui plaît à son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour l'accomplir, et sache ce qui lui déplaît pour le délaisser, et qu'elle puisse, dans ses actes, cheminer et être en concordance avec le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au deuxième point que nous tirons de la parole de Talq ibn Habib, rahimahullah, il est la sincérité de l'auteur. Et qu'il ne recherche à travers les actes de la taqwa que l'amour et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa récompense, et qu'il recherche à travers cela le fait d'être préservé de son châtiment subhanahu wa ta'ala. Et cela dans sa parole, rahimahullah, tarju thawab Allah, en espérant la récompense d'Allah, et par peur de son châtiment. Puis, avant de continuer, nous avons un autre point concernant la taqwa qu'il est important de connaître et de comprendre. Ce point est que la taqwa ne veut pas dire que la personne soit immunisée, soit préservée de tomber dans l'erreur, et que le pieux, al-muttaqi, ne commet jamais de faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu bani Adam khatta wa khayr al-khatta'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs sont ceux qui se repentent abondamment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme dans le hadith al-Qudusi qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Et vous commettez des fautes de jour comme de nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Et vous commettez des fautes de jour comme de nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Donc, le pieux n'est pas infaillible. Il peut et il va inévitablement tomber dans l'erreur et la faute. Mais un des points importants qui va le distinguer du pervers, al-fasiq, est le repentir. Le repentir constant du pieux et la demande de pardon sincère après chaque faute ou péché dans lequel il peut tomber. Et le fait qu'il ne persiste pas intentionnellement sur cette faute ou sur ce péché. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après les sens du verset, et accourez à un pardon de votre Seigneur et un paradis d'une largesse des cieux et de la terre préparé pour les pieux. Préparé pour les pieux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après ce verset, nous cite certaines caractéristiques de ces pieux pour qui ce paradis a été préparé. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, qui retiennent leur rage et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Puis il nous dit, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou ont été injustes envers leurs âmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et ils ne persistent pas sur cela alors qu'ils en ont conscience. Donc, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui, d'autre qu'Allah, pardonne les péchés et ne persiste pas sur cela alors qu'ils en ont conscience. Puis il nous dit, subhanahu wa ta'ala, cela, leur récompense est un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle bonne récompense ont ceux qui œuvrent. Sourate Ali Imran, du verset numéro 133 au verset numéro 136. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous cite parmi les caractéristiques des pieux, al-muttaqin, en plus du fait qu'ils accomplissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaissent ses interdits subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont les nobles caractères cités dans ces versets, il nous dit en plus qu'ils sont ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude, turpitude qui sont les grands péchés, ou ont été injustes envers leurs âmes en commettant ce qui est moindre que les grands péchés comme petits péchés. Il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'ils se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et ne persistent pas sur cette désobéissance, alors qu'ils en ont connaissance. Le pieux, donc, n'est pas infaillible, mais à différence du pervers, il se repent constamment et ne persiste pas sur la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est constamment dans le combat et la réforme de son âme. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce immense, de nous compter parmi ses serviteurs pieux, qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qu'il agrée. Ceux pour qui il a préparé un jardin, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et ceux pour qui il a préparé un pardon, subhanahu wa ta'ala. Et cela, donc, comme cité, par l'accomplissement de ses ordres, subhanahu wa ta'ala, le délaissement de ses interdits, et la réforme constante de nos âmes, par la demande de pardon et le repentir. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit: Al fa'idatu al wahidatu wal arba'un anna al akhirata khayrun min ad dunya lil muttaqin. Qala ta'ala: Wad daru al akhiratu khayrun lil ladhina yattaqun. Sourate Al A'raf, verset numéro 169. Il nous dit rahimahullah: Le 41e profit de la piété est que l'au-delà est meilleur que ce bas monde pour les pieux. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, et la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont pieux, ne raisonnez-vous donc pas. Et la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont pieux, ne raisonnez-vous donc pas. Et dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, ne raisonnez-vous donc pas, nous avons une preuve que quiconque préfère et met en avant ce bas monde à l'au-delà, alors cela est une preuve d'une défaillance dans son raisonnement. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu thani wal-arba'un, Al-fa'idatu thaniyatu wal-arba'un, Annaha sababun lit-tadhakkur wal-basira inda nazaghati ash-shaytan. Qala ta'ala: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سورة الأعراف verset numéro 201. Il nous dit rahimahullah: La faïda numéro 42 est que la piété est une cause permettant de se rappeler et d'être clairvoyant lors des mauvaises insufflations de shaytan. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Sourate Al-A'raf, verset numéro 201. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Donc, dans ce verset, nous avons notre mérite et profit de la piété, et nous avons un des signes des pieux, qui est que lorsque Satan, Shaytan, leur insuffle des mauvaises choses ou les pousse à commettre un acte de désobéissance, alors ils se rappellent. Tavakkaru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en ce verset, n'a pas cité de quoi ils se rappellent. Cela pour donner un sens de généralité et pour englober le rappel de tout ce qui va leur être profitable. Donc ils se rappellent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, réservé à ceux qui le désobéissent. Ils se rappellent de sa promesse accordée à ceux qui le craignent et ceux qui sont pieux. Ils se rappellent qu'ils ont un ennemi, qui est Shaytan, qui essaie constamment de les égarer. Donc après cela, ils deviennent clairvoyants et accomplissent ce que leur Seigneur attend d'eux, comme bonne action, comme délaissement des péchés et comme repentir à lui, subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu thalithatu wal-arba'un. An-nat-taqwa sababun lil-basira wal-furqan bayna al-haqqi wal-ba'atil wa takfiri s-sayyi'at wal-maghfira. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Sourate Al-Anfal, al-ayatu at-tasi'atu wal-ashirun. Il nous dit, rahimahullah, le 43e profit découlant de la piété est qu'elle est une cause menant à la clairvoyance, al-basira, au discernement, al-furqan, entre le vrai et le faux, à l'expiation des péchés et au pardon. Allah nous dit d'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, si vous faites preuve de piété envers Allah, il vous accordera un discernement, vous expiera vos péchés et vous pardonnera. Sourate Al-Anfal, verset numéro 29. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite quatre profits découlant de la piété, qui sont, comme nous le dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, chacun d'entre eux meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc quatre profits, quatre promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux pieux, qui sont pour chacun d'entre eux meilleurs que ce bas monde et que ce qu'il contient. Premièrement, Al-Furqan, yaj'al lakum furqana. Il vous accordera un discernement. Al-Furqan, c'est-à-dire la science et la guidée à travers laquelle le pieux sera aidé par Allah subhanahu wa ta'ala et à travers laquelle il discernera entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, entre le halal et le haram, le licite et l'illicite, entre les gens du bonheur, les gens de la félicité et les gens du malheur et de la damnation. Idhan, furqanan yufarriqu bihi bayna al-haqq wal-ba'til. Un discernement à travers lequel il pourra discerner, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre le vrai et le faux. Deuxièmement, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, l'expiation des petits péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala expiera les petits péchés faits par le pieux. Troisièmement, wa yaghfir lakum, le pardon des grands péchés. Donc ici, l'expiation a été citée avec le pardon, deux mots qui, lorsqu'ils sont cités ensemble, l'un prend le sens des petits péchés, qui est l'expiation, takfir al-sayyi'at, ou al-maghfira, qui prend le sens des grands péchés. Et lorsque l'un est cité tout seul, donc il englobe le deuxième, qui est al-maghfira. Et quatrièmement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait promis aux pieux des immenses récompenses. Cela dans sa parole subhanahu wa ta'ala, par laquelle il a fini le verset, Wallahu dhul fadlil azim, et Allah est détenteur d'une immense grâce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux pieux de leur accorder ces quatre récompenses. Al-Furqan, le discernement. Takfir al-Sayyi'at, le fait d'expier les péchés. Al-Maghfira, de pardonner les péchés. Wa al-Thawab al-Azim, les immenses récompenses pour les pieux. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, الفائدة الرابعة والأربعون أن المتقين هم أولياء المسجد الحرام قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون سورة الأنفال verset numéro 34. Il nous dit, rahimahullah, le prophète numéro 44, découlant de la piété, est que ceux qui sont le plus en droit de la mosquée sacrée, c'est-à-dire qui sont plus en droit que les mouchriquines, sont les pieux. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, ces gardiens, c'est-à-dire les gardiens de la mosquée sacrée, ces gardiens, ceux qui en sont le plus de droit, ne sont que les pieux. Sourate Al-Anfal, verset numéro 34. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala informe que les pieux, ceux qui le craignent, sont plus en droit de la mosquée sacrée que les mouchriquines qui, eux, ont prétendu être plus en droit de la maison sacrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. فَالْمُتَّقُونَ أَوْلَى بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc les pieux sont plus en droit de la mosquée sacrée que les mouchriquines. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ لِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il nous dit, rahimahullah, la faïda numéro 45 est que la piété est une cause pour obtenir le pardon et la miséricorde. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, et craignez Allah et faites preuve de piété, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Anfal, verset numéro 69. Puis il nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu s-sadisatu wal-arba'un was-sabi'atu wal-arba'un. أن بها تنال محبة الله قال تعالى إن الله يحب المتقين سورة التوبة الآية الرابعة وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين سورة التوبة الآية السابعة. Il nous dit, رحمه الله, le 46e et 47e profit de la piété, de la taqwa, est que par elle s'obtient l'amour d'Allah. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, certes, Allah aime les pieux. Surat al-Tawbah, verset numéro 4. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, et tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Certes, Allah aime les pieux. Surat al-Tawbah, verset numéro 7. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux, ceux qui accomplissent ce qu'il ordonne subhanahu wa ta'ala, et délaisse ce qu'il a interdit comme grand et petit péché. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتقين الذين لهم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.